L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut ? Par Eric Simon. Le télescope spatial Fermi vient de débusquer la première binaire gamma située dans une autre galaxie que la nôtre. C'est de plus la binaire gamma la plus lumineuse jamais observée. Ce couple, nommé LMC-P3, contient une étoile massive et une étoile à neutrons qui interagissent entre elles pour produire une pulsation de rayons gamma. Les binaires qui émettent des rayons gamma sont rares. Fermi en a détecté seulement 5 dans notre galaxie. Ces systèmes sont précieux pour les astronomes car le fait que le flux de rayons gamma évolue périodiquement à chaque orbite permet d'étudier de près de nombreux processus qui sont communs à d'autres sources gamma. LMC-P3 est non seulement la binaire gamma la plus lumineuse, donc en rayons gamma, mais également dans d'autres longueurs d'onde, des rayons X, ondes radio et visibles. Elle se trouve au milieu de débris en expansion d'une supernova située dans le grand nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée, distante de 163 000 années-lumière. En 2012, une équipe d'astronomes avait trouvé, avec le télescope spatial Chandra X-ray Observatory, une intense source de rayons X au milieu de ce résidu de supernova et avait montré qu'elle était en orbite autour d'une étoile jeune, plus massive que le Soleil, et que son origine devait être soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Il l'avait alors classée dans la famille des binaires X de forte masse. Et en 2015, Robin Corbett du NASA Goddard Space Flight Center et son équipe, dont un chercheur français, se sont intéressés aux caractéristiques périodiques des nouvelles binaires gamma découvertes par Fermi. Ils y ont découvert cette pulsation d'une période de 10,3 jours dans une source gamma située tout près de la binaire X de 2012 dans le grand nuage de Magellan. S'agissait-il du même objet à l'origine de ces deux émissions de haute énergie ? Des observations complémentaires ont alors été effectuées avec d'autres instruments. Le télescope SWIFT a révélé la même périodicité de 10,3 jours en rayons gamma, mais elles ont également montré que les émissions en rayons X avaient lieu de façon opposée à celles en rayons gamma. Elles apparaissent maximales quand les émissions gamma sont minimales, et vice-versa. Des observations dans les longueurs d'onde radio ont également été effectuées et ont montré là encore une période identique de 10,3 jours, avec également une opposition de phase par rapport aux rayons gamma. Il s'agit donc bien du même et unique objet qui est à l'origine de tous ces rayonnements. Les observations dans les longueurs d'onde visibles permettent de voir des changements dus au mouvement orbital du couple, mais ne permettent pas de connaître l'inclinaison de cette orbite par rapport à la ligne de visée. On ne peut donc qu'avoir une estimation assez grossière de la masse des deux composantes. L'étoile a une masse de 25 à 40 masses solaires, et en considérant une inclinaison de 45 degrés, l'étoile à neutrons aurait une masse d'environ 2 masses solaires. Si le système était en fait moins incliné, les masses devraient être réévaluées à la hausse et l'étoile à neutrons pourrait devenir un trou noir. Ce qui est sûr en revanche, c'est que l'étoile massive est aussi une étoile chaude, environ 30 000 degrés à sa surface, et elle est si lumineuse que la pression de la lumière qu'elle rayonne produit un flux de matière, un puissant vent à grande vitesse. Dans ce type de système binaire, le compagnon compact produit lui aussi un vent de particules, des électrons accélérés à une vitesse relativiste. C'est en fait l'interaction entre ces deux vents qui serait à l'origine des émissions radio et de rayons X tout au long de l'orbite, mais ces dernières sont plus intensément détectées lorsque le compagnon compact se trouve au plus près de nous. Et c'est par un autre mécanisme que le vent d'électrons va émettre des rayons gamma. quand la lumière de l'étoile massive rencontre ses électrons, les photons se retrouvent propulsés à une énergie plus élevée par l'impact des électrons. Ce processus est appelé la diffusion Compton inverse. Et ce phénomène est plus prononcé quand le compagnon compact passe derrière l'étoile massive par rapport à nous. Les spécialistes sont un peu étonnés de trouver une telle binaire gamma dans une autre galaxie, alors que l'on n'en a trouvé encore que très peu dans notre propre galaxie. Il est possible, d'après les chercheurs, que les binaires gamma trouvés par Fermi soient des spécimens rares où la supernova a produit une étoile à neutrons avec une vitesse de rotation exceptionnellement rapide qui augmenterait de fait la production de particules accélérées et donc de rayons gamma. L'étude de Robin Corbett et ses collaborateurs est publiée dans The Astrophysical Journal cette semaine. Et il a pour titre « A luminous gamma-ray binary in the Large Magellanic Cloud ». Donc le numéro de The Astrophysical Journal 829 du 27 septembre 2016. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des binaires gamma se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud et sur Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !